1, 2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire Boum Momo, l'émission des musiques françaises curieuses. Nous sommes heureux ce soir de recevoir, une fois n'est pas coutume, le DJ nantais Aimé Jockey pour une sélection qui reflète son travail et ses sensibilités depuis quelques mois, à savoir du grindcore, mais aussi du zouk. Je vous imagine installé confortablement dans votre canapé ou sous votre couette. Et je vous souhaite bonne écoute avant de vous dire à la semaine prochaine, même heure, même onde, sur Prune. Ciao les petits loups. Papillon, marie-toi, hélas mon maître, je n'ai pas de quoi. Là dans la bergerie, j'ai 100 moutons, ce sera pour faire la noce du papillon. Ah, ah, ah, que dit le renard, je suis petit et je suis gaillard, j'irai chercher les poules ou dans les buissons. Ce sera pour faire la noce du papillon. Ah, ah, ah, que dit le coré? Je suis bien gros et je suis mal fait. J'en donnerai les riz et les jambons. Ce sera pour faire la noce. La noce du papillon. Que dit le héron? J'ai les ailes et le coulon. J'irai à la rivière pêcher le poisson. Ce sera pour faire la noce du papillon. see movies written on books, buy papers, watch TV, find new lovers, share new fights with people, adore creatures in all those ways. Some speaks to you, the teaching there, be vigilant.

liegt Kuba? Wo liegt Mexiko? Wo liegt Kuba? Wo liegt Mexiko? Je crois que nous avons fini. Maintenant.